franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, est-ce que Christie a tué Poirot? Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Charlotte Escamez, réalisée par Catherine Lemire. Hercule quitte donc la scène, mais dans quelles circonstances? Et comment Agatha Christie s'est-elle décidée à se débarrasser de son détective, de son personnage qui l'a longtemps accompagné dans toutes ses enquêtes? Avec 2,5 milliards de livres vendus dans le monde, Agatha Christie, née en 1890 et morte en 1976, est l'auteur le plus lu après Shakespeare. Et seule la Bible dépasse son œuvre en nombre d'exemplaires vendus. Romancière anglaise, adorée par le public français qui la découvrit en 1927, elle a créé deux personnages mythiques du roman policier, Hercule Poirot et Miss Marple. Notre fiction se situe entre 1975 et 1976. Agatha est alors âgée de 85 ans. Elle vit en Angleterre, dans le Oxfordshire, à Winterbrook House, avec Max Mallowan, son second mari. Sa fille, Rosalind, est très présente dans la vie de sa mère, mais aussi dans ses affaires. Agatha décide d'en finir avec son fameux personnage devenu quasiment mythologique, l'immanquable et le célébrissime Hercule Poirot. Le petit Belge, né adulte en 1920 dans son premier roman « La mystérieuse affaire de Steele », a vécu presque 107 ans. Et Agatha Christie commence à le trouver embarrassant. Peut-être aussi ne désire-t-elle pas que quelqu'un d'autre puisse s'en emparer. Il n'est pas question qu'il lui survive. C'est probablement ce double départ qu'elle prépare, celui d'Hercule et le sien. Agatha Christie a terminé son autobiographie depuis 10 ans et elle insiste pour que le livre soit publié à titre posthume. Là encore, elle veut tout maîtriser. Comment et dans quel ordre les choses doivent se dérouler? Ainsi, réserve-t-elle à Poirot une fin tout à fait surprenante qui l'amène à déterrer un vieux manuscrit. Il s'agit d'un roman écrit pendant la guerre, en 1940 pour être précis, dans lequel la reine du crime tue tout bonnement son personnage. Dans ce roman intitulé « Poirot quitte la scène », non seulement elle le fait disparaître, d'une mort presque naturelle, puisqu'Hercule est victime d'une crise cardiaque, mais avant de mourir, il commet l'ultime forfait d'un enquêteur de haute volée, un meurtre. Hercule Poirot tue l'assassin de sa dernière affaire, à Stiles, là où tout avait commencé pour lui. Agatha Christie achève donc Hercule Poirot. Mais pour le faire savoir au monde entier, elle doit aller chercher ce manuscrit dans le coffre d'une banque et le faire publier de son vivant. Hercule Poirot aura d'ailleurs droit à sa nécrologie dans le New York Times le 6 août 1975. Et il ne manquera pas de venir rendre visite à sa créatrice en songe, comme pour régler ses comptes, en toute sympathie, bien entendu. Le livre connaîtra un immense succès. Agatha Christie meurt quelques mois plus tard, en janvier 1976, sans doute en paix avec Hercule Poirot. Agatha Christie est la plus grande magicienne de tous les temps, parce qu'elle a su transformer le meurtre en divertissement. Et pas seulement un meurtre, mais des dizaines, perpétrés pour notre plus grande joie. Ainsi, en parle Emile Kundera. Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité, la vie et l'œuvre d'Agatha Christie, nous recevrons après la fiction François Rivière, auteur de deux biographies remarquées sur l'auteur anglaise intitulées Agatha, Duchesse de la Mort, au Seuil, et aujourd'hui en livre de poche, ainsi que la romance du crime aux éditions La Martinière. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Est-ce que Christie a tué Poirot? De Charlotte Escamez. Réalisation Catherine Lemire. Je m'appelle Rosalind. Je suis née le 5 août 1919. Je suis la fille d'Agatha Christie et d'Archibald Christie, le premier mari de ma mère. Un an après moi, en 1920, est né Hercule Poirot. Mais il était déjà vieux pour un nouveau-né. Agatha est entrée en écriture comme dans un jeu. Ensuite, elle n'a plus cessé de jouer. Hercule est l'incontestable héros de ma mère. Présent dans 33 romans et 52 nouvelles, il reste l'enquêteur de prédilection de celle que l'on nommera très vite la reine du crime. Il fait son apparition dans son premier roman « La mystérieuse affaire de Stiles ». Retraité de la police belge en 1904, il devient détective privé. Hercule Poirot se réfugie alors en Angleterre pour commencer sa nouvelle carrière. Il préfère boire du chocolat chaud plutôt que du thé, c'est dire s'il n'a pas tout à fait pris les habitudes d'outre-Manche. Les interminables promenades campagnardes l'ennuient. On peut considérer que le petit Belge cultive sa contre-culture avec autant de soin que ses tenues. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la campagne. Probablement parce qu'une partie de mon enfance s'est paisiblement écoulée avec papa et maman dans la grande maison de Stiles Courts. Le jardin était magnifique, mais cette propriété fut aussi le lieu du divorce de mes parents. Une période malheureuse dans la vie privée de ma mère. Je crois qu'il y a un avant et un après Stiles Courts. En tout cas, Hercule Poirot, une sorte de vieux frère pour moi, l'a accompagné presque toute sa vie. J'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où j'ai inventé cette détestable et assommante petite créature. Certes, j'ai beaucoup dépendu d'elle financièrement. Je peux même dire qu'elle m'a fait vivre, mais elle me doit sa propre existence. Elle me la doit. Et moi, je ne lui dois plus rien. Où est ce satané livre ? Qui a déplacé ce livre ? Tout devrait être rangé par ordre chronologique. Lucie ! Lucie ! Stiles... Ah ! Le voilà enfin. La mystérieuse affaire de Stiles. J'arrive, madame. J'étais au jardin. Les roses sont en fleurs. C'est magnifique. J'ai fait un bouquet que j'ai déposé dans le living room et sur le petit guéridon. C'est bien, merci. Lucie, voulez-vous me lire la page 24, je vous prie. Mes yeux sont fatigués et je n'arrive pas à mettre la main sur mes lunettes. Comment ce livre a-t-il pu se déplacer ? Un mystère non élucidé. Je ne touche pas à vos livres, madame Christie, et par contre, monsieur a peut-être... Je réglerai ça avec Max. Cette manie de ne rien remettre à sa place. Bref, lisez-moi ce passage. Poirot était un être au physique peu commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Malgré son petit 1m62... Plus petit que moi, en tout cas. Il était l'image même de la dignité. La dignité ne fait pas tout. Vous me coupez sans cesse, madame. Seriez-vous de méchante humeur ? Du tout, du tout. Je suis douce comme une rose. Avec les épines, je reprends. Son crâne affectait la forme d'un œuf et il tenait toujours la tête légèrement inclinée d'un côté. Sa moustache cirée lui donnait un air martial. Parlons-en de sa moustache. Le soin qu'il apportait à sa tenue était absolument incroyable et je pense qu'il eut davantage souffert d'un grain de poussière sur sa veste que d'une blessure par balle. Ça, j'aime bien. Bon, c'est pas si mal. Merci, Lucie, vous pouvez disposer. À quelle heure rentre, monsieur ? Et il m'a dit qu'il serait là pour le déjeuner que je vais servir dans la véranda. Très bien. Il ne devrait plus tarder. Je vais m'asseoir un peu près de nos délicieuses pivoines. Vous savez que je les préfère aux roses. Il est déjà mort, mais pour l'instant, personne n'est au courant. Je dois bien avouer que certains détails m'échappent. Satanée mémoire. Il faut que je retrouve mon manuscrit. Moi aussi, je suis morte avant de mourir. Ainsi, je ne mourrai pas le jour de ma mort. Nous avons un point commun, Hercule. Lorsque j'ai disparu, il m'a semblé que j'en avais fini. Bingo ! Bingo ! Mais qu'est-ce qu'il a aboyé ? Bingo ! Mais ça ne tourne pas rond aujourd'hui. Mais tu vas me lâcher, cette capuche ! Arrête, Bingo ! Ça, il ne t'a rien fait. Ma périlleuse entrée t'impressionne-t-elle, mon Agatha ? Ce chien est trop fidèle. Il ne supporte aucun homme autour de moi. Incorrigible Bingo. Monsieur arrivait pour vous rejoindre lorsque Bingo s'est jeté sur lui, et pour rien. Max, Bingo a dû penser que tu venais pour me tuer, alors que j'étais seul et sans défense. Mais ce chien est fou. Depuis qu'il a mordu ce pauvre journaliste du Daily Mail, je le trouve très agressif. Et je m'en méfie. Pas assez. Sinon, vous ne vous seriez pas fait mordre comme un débutant. L'interview était longue et ennuyeuse. Sainte Vierge, mais regardez l'état de votre pantalon. Il est tout déchiré. Et vous saignez ? Lucie, n'en faites pas toute une histoire. Bingo est nerveux. Et jaloux. Soit, mais laissons là cet épiphénomène. Il reste mon plus fidèle compagnon. Aucun crime n'a été commis. Le mari d'Agatha s'est juste fait niaquer par Bingo l'enragé. J'ai invité quelqu'un à déjeuner. Mais vous ne m'avez pas prévenu ? C'est juste ma fille qui vient. Ne vous affolez pas pour rien. Mais Lucie a raison, tu prends parfois des décisions unilatérales. Est-ce que tout le monde est contre moi ? Lord Malowan, je vous signale que vous avez déplacé mes livres. Dame Agatha, ne mettez pas une distance insupportable entre nous. Mon adoubement fut le plus beau jour de ma vie. Merci de me le rappeler. La reine sait recevoir. Buckingham Palace, ça c'est un endroit parfait pour un crime. Je n'ai malheureusement pas osé. Dis-moi Max, tu trouves que je suis de méchante humeur ? Une lady est d'humeur constante, n'est-ce pas ? Répondre à une question par une autre question, en voilà une bonne idée. Je vais à la cuisine, le déjeuner sera servi à 13h précises. Maman, tu as un tas de roses. Qu'est-ce que vous avez avec les roses ? Je préfère les pivoines. Bon, alors, je recommence. Maman, tu es rouge comme une pivoine. Tu ne manques pas d'humour, ma Rosalinde. Comment te sens-tu ? Bien, bien. Quelles sont les nouvelles ? Collins m'a appelé hier. L'Empire Agatha Christie se porte bien, non ? Je voudrais que nous parlions de certaines choses. Quelques rafraîchissements pour les deux plus belles femmes que la lune a vu naître. Max est toujours un vrai séducteur. Merci, Max. Cette citronnade est délicieuse. Je n'y suis pour rien. Tout le mérite en revient à Lucie. Alors, que voulait Bill ? Un Christie for Christmas ? Est-il enfin résolu à laisser la vieille romancière que je suis dormir en paix ? Je suis fatigué. Et je voudrais écrire ce que je désire au rythme que je désire. Comme par exemple des histoires avec mes compagnons, les animaux et plus particulièrement les chiens. Mais Collins ne l'entend pas de cette oreille. Maman, tu es remontée comme une pendule. Justement, il est 13h. Pas question d'être en retard. Lucie a été suffisamment contrariée. C'est plutôt moi qui l'ai été. Que s'est-il passé encore ? Rien. Le chien m'a mordu et Agatha ne l'a pas prévenu de ta venue. Plus une histoire de livre. La routine de Winterbrook House. Maman n'a pas prévenu qui ? De quoi ? Le chien ? Quel livre ? La confusion règne sur nous. Rien de grave. À table. Bon appétit. J'ai décidé d'en finir avec Hercule. Quoi ? Tu te plains de lui depuis longtemps. Je devine ce que vous vous dites. Impossible de me débarrasser de Poirot, il est trop intelligent. Je me suis dit ça aussi pendant plus de 50 ans. Tu veux parler de tes manuscrits oubliés ? Tu es au courant ? Collins m'en a touché un mot, oui. Pour ma part, je n'ai que très vaguement entendu parler de ces manuscrits. Non, pour être honnête, j'ignorais totalement leur existence. Mais je n'aime pas faire celui qui n'est au courant de rien. Cher Max, heureusement, il me reste encore une part de mystère. Écoutez-moi attentivement. Pendant le Blitz, en 1940, j'ai écrit deux romans que j'ai ensuite déposés dans le coffre d'une banque. Une histoire concerne Hercule et une autre Miss Marple. L'une et l'autre sont pour vous. C'était déjà mon intention en 40, être à l'abri ce que j'aime. Les bombardements nous empêchaient de sortir, j'étais cloîtré et je n'avais plus le sou, alors j'ai voulu faire des réserves, comme d'autres en font avec des boîtes de conserve ou des paquets de sucre. Bref, j'avais du temps, pas de distraction, alors j'ai travaillé nuit et jour. 13 romans en 5 ans de guerre, c'est mon record. Tu as toujours écrit avec une telle aisance, je t'admire. Que comptes-tu faire ? Nous en discuterons avec Bill, mais j'ai ma petite idée sur la question. Agatha, tu parles comme si tu allais mourir. Je suis vieux aussi. Je peux casser ma pipe avant toi. Si tu veux publier ce livre dès maintenant, fais-le. Une vieille femme doit avoir la sagesse de réfléchir un peu. Je ne peux plus honorer mon livre annuel. Le dernier n'est pas ce que j'ai fait de mieux. Toutes ces intrigues me fatiguent. Un peu de sang neuf, enfin... Ma vivacité d'autrefois fera du bien à mes lecteurs. Je leur réserve une surprise de taille. Et tu comptes aller récupérer ces deux manuscrits ? C'est exact. J'ai l'impression de rêver. Tu nous as caché ces textes écrits pendant la guerre. Tu es génial. Voilà tout excité. Je vous préviens, Hercule est mort. Miss Marple, quant à elle, toujours en pleine forme. Les hommes meurent plus vite, tu vois. Tu en as donc fini avec lui? Ah, moi qui croyais qu'Hercule était increvable. Non, il est mort. Personne ne le sait encore, mais il est tout à fait mort. Miss Marple me survivra, pas lui. Tu ne l'aimes plus, ton Hercule? Mais moi, tu m'aimes encore, ma chérie? Max, arrêtez de plaisanter, l'heure est grave. Maman a tué Hercule. Hercule quitte la scène. Il a déjà failli une fois. J'avais cru comprendre. Elle faisait allusion à sa disparition en 1926. Cette année-là, sa mère vient de mourir et son mari entretient une liaison avec une certaine Miss Nancy Neal, dactylographe. Il veut demander le divorce. Agatha perd pied et disparaît pendant 10 jours. Sa voiture, une Maurice Collet grise, est retrouvée abandonnée au bord de l'étang de Silent Pool. Elle a laissé 2 lettres, l'une à son mari et l'une à sa secrétaire. Tout le monde la cherche. L'enquête met l'Angleterre en émoi et la reine du crime ne cesse de faire les gros titres. A-t-elle été kidnappée? S'est-elle suicidée? S'est-elle faite assassiner? On la retrouve à l'hôtel hydropathique de Harrogate, une ville thermale du Yorkshire, où elle a réservé sa chambre au nom de Mrs. Neal. Agatha est en bonne santé, mais néanmoins dans une certaine confusion mentale. Agatha Christie a brouillé les pistes. Elle a même retiré ce chapitre de son autobiographie en rendant malencontreusement inaudible son enregistrement. Le mystère de sa disparition reste entier. Elle plaidera jusqu'au bout l'amnésie partielle. J'étais petite à l'époque. Voici le dessert. Pas le temps pour le dessert. Nous le dégusterons à notre retour. Mais c'est votre préféré, un apple crumble avec de la crème. C'était un déjeuner éclair, c'est le moins qu'on puisse dire. Maman est pressée de retrouver un vieil ami mort. Je mangerai du gâteau quand même. Qui est mort? Vous allez à la morgue reconnaître un corps? Non, elle va à la banque déterrer des manuscrits. Plus rien ne m'étonne. Oui, bon, prenez du gâteau. En voiture, Max. Nous allons à la banque. Oui, chef. En route. Madame Christie, nous ne nous attendions pas, mais quel plaisir de recevoir votre visite impromptue. Vous avez créé un attroupement devant la banque. Quelle publicité! Puis-je savoir ce qui vous amène? Je viens chercher mon trésor, monsieur. Et ces choses-là ne se prévoient pas. Je vais vous faire porter la clé de votre coffre, Madame Christie, immédiatement. La clé, Madame Christie désire sa clé. Allez, dépêchez. Vous pouvez faire votre code, Madame Christie. Quel code ? Il vous faut le code pour ouvrir le coffre. La clé ne suffit pas. Nous sommes une banque très sûre, Madame Christie. Nous protégeons vos biens. Ça fait plus de 30 ans, je ne me souviens pas de ce code. Essayons le 1, 5... Non. Arrêtez, Madame Christie. Je ne dois ni rien voir, ni rien entendre. Et c'est la date de naissance de Rosalinde. Et c'est la date de naissance de ta mère. Je sais. Comment faites-vous quand les clients ont oublié? Le jour de ma disparition. 4. 12. 1926. Alors, mon Agatha? C'est apparemment une date clé. Je suis sûr que c'était la date de notre mariage. C'est ça, Max. La date du jour de notre mariage, elle reste importante. Je le savais. Sors par derrière. Je vais chercher la voiture. J'accompagnerai Madame Christie. Max est toujours si sûr de lui. Et moi si seul. Agatha a récupéré ses 2 manuscrits. Elle a pris des dispositions testamentaires pour chacun de ses livres. les droits de la dernière énigme doivent revenir à Max, et ceux de Poirot quittent la scène à sa fille, Rosalinde. Elle autorise la publication de son vivant. La fin d'Hercule connaît un immense succès, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis ou en France. Le Figaro le publie en feuilleton à partir du 16 décembre 1975. 120 000 exemplaires sont écoulés dans la version anglaise et plus de 2,5 millions aux États-Unis. Ma chère Agatha, ça y est, vous m'avez fait quitter la scène. Je m'y attendais. Je peux même dire que je m'y préparais. Je pesais sur votre vie, mais je n'ai jamais déçu nos lecteurs. Je peux même me vanter de ne jamais vous avoir trahi, quoi que vous en pensiez. Pour vous vanter, vous êtes particulièrement doué, Hercule. Dites-moi, Agatha, pourquoi maintenant ? Vous qui ne laissez jamais rien au hasard, et Dieu sait comme je partage avec vous ce trait de caractère, vous qui ne laissez jamais rien au hasard, pourquoi me faites-vous partir ? Parce que vous-même allez bientôt disparaître ? Je n'ai pas à me justifier auprès de vous, vous n'êtes qu'un personnage. Restez à votre place. Un personnage qui a suivi vos joies, vos peines, vos drames personnels. Dois-je y revenir, Agatha ? Stahlscroft, vous n'y avez jamais été heureuse. Non, c'est vrai. Et vous y mourrez, car c'est là que tout a commencé pour vous. La boucle est bouclée. Vous qui avez dit l'autre jour, ne retournez jamais dans un endroit où vous avez été heureux ? Vous n'appliquez pas cet adage au lieu de malheur ? Ma parole, c'est vous qui m'espionnez. J'écoute aux portes, nuance. Quel culot. Vous savez, je vous suis très reconnaissant. Je vous ai fait naître bon catholique belge, ancien chef de la sûreté, blessé à la jambe. Vous êtes très vite devenu un prestigieux détective privé, un riche dandy à moustache, épaulé par un majordome irréprochable. Je vous ai fait aussi vaniteux, courtois et maniaque. Oui, tout cela est très bien. Mais je vous suis surtout reconnaissant pour la manière dont j'ai commis mon crime. Il vous fallait goûter au moins une fois à la sensation d'être un meurtrier. Cette symétrie parfaite avec laquelle j'ai visé au milieu du front de Norton. Merci, Agatha. Cette méticulosité m'a comblé. Je suis parti en paix. Mais un personnage ne meurt jamais. Alors, si vous avez cru en finir avec moi, sachez que vous vous trompez. Je suis toujours là. J'ai été immortalisé. Je vous ai laissé mettre en scène votre propre mort. C'est ainsi que je vous achève, cher Hercule. Il est vrai que je suis comme une prima donna qui accumule les fausses sorties. Ce n'est pas de vous, c'est de moi, dans ABC contre Poirot. Je vous testais. Mais préférez-vous Miss Marple à moi ? Vous êtes incorrigible, Hercule. J'ai une dernière question à vous poser. Répondez-moi honnêtement, s'il vous plaît. Pourquoi n'ai-je jamais été heureux en amour ? Peut-être parce que je ne l'ai jamais été non plus. Et nous avons tous deux été comblés par notre travail. Nous avons décidément plus de choses en commun que je ne l'imaginais. Maman, le voilà. Je le dépose sur la table de chevet. Fraîchement imprimé, la dernière enquête d'Hercule Poirot aux côtés de son fidèle capitaine Hastings. Je suis heureuse. Tu me croiras ou non, mais j'ai fait un drôle de rêve. Il faut croire que ma vie intérieure devient plus passionnante que ma vie tout court. Regarde-moi. De quoi as-tu rêvé ? D'Hercule Poirot. Il est venu me rendre une petite visite. À croire qu'il sait que le livre vient de paraître. Il est si futé que ça ne m'étonnerait pas. Hein. Vous ne croyez pas si bien dire. Hercule est venu me dire au revoir. Mais notre entretien restera dans la plus grande intimité de mon rêve. Il est en effet des endroits où il est difficile de se rendre. Les tombeaux des pharaons sont plus accessibles que tes songes. L'archéologue a parlé. Une bonne tasse de thé te fera le plus grand bien. Earl Grey avec un nuage de lait ? Ce sera parfait. Maman, écoute ça. C'est dans le New York Times. Hercule Poirot est mort. Hercule Poirot, détective belge ayant acquis une renommée internationale, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu. Hercule a eu droit à sa nécrologie dans le New York Times. C'est incroyable. Il avait au moins 107 ans et commençait à devenir embarrassant. Si je peux me permettre, les femmes l'aimaient beaucoup. J'en connais un paquet qui aurait aimé se marier avec lui. Et moi-même, à une certaine époque. Agatha, je me suis toujours inclinée devant ton talent. Et maintenant, tu te penches sur moi pour me border. Je n'en demandais pas tant. Juste une vie paisible. Nous l'avons eue, tant bien que mal. Tu sembles fatiguée, maman. Tout ce remue-ménage autour d'Hercule Poirot. Je suis une vieille femme. Que veux-tu ? Je dois rester au calme, mais le calme m'ennuie. Tu n'as plus envie d'écrire ? Je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis plus une machine à saucisses. Les intrigues ne s'enchaînent plus et j'ai moins d'appétit qu'avant. Quand est-ce que vous accepterez que je quitte la scène, moi aussi ? Allez prendre le thé dans le jardin. Profitez de ce charmant rayon de soleil. Et puis l'infirmière va bientôt arriver. Allez, allez-y, je me repose. On ne sait jamais. Un autre personnage pourrait venir me rendre visite. Salut Hercule de ma part, s'il ose revenir. À tout à l'heure, maman. Crois bien que je suis absolument fière de ton nouveau livre. Attendez, Madame Christie, j'ai besoin d'éclaircir quelque chose avec vous. Selon Hastings, je lis page 188, Hercule Poirot est décédé, a-t-on dit, de mort naturelle, plus précisément d'une crise cardiaque. Les ampoules d'amylnitrate pour empêcher ces crises. Les ampoules d'amylnitrate ne se trouvaient pas, semble-t-il, à portée de main, et voici la réponse d'Hercule Poirot dans son manuscrit adressé à Hastings à la fin du livre. Maintenant, avec humilité, comme un petit enfant, je dis « je ne sais pas ». Adieu, mon cher ami. J'ai ôté de ma table de chevet les ampoules d'amylnitrate. Je préfère m'abandonner entre les mains du bon Dieu. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Hercule ne s'est-il pas un tout petit peu suicidé ? Ma chère Lucie, vous voulez voir clair là où tout reste subjectif. Hercule s'est libéré naturellement de la vie, sans être retenu par personne. J'aurais fait exactement la même chose à sa place. Merci pour votre réponse, madame. Max, je vais rejoindre mon créateur. Mon Agatha. Le 12 janvier 1976, après un dernier déjeuner avec Max sous la véranda, Agatha s'éteint chez elle à Winterbrook House. Maman écrivait pour divertir les gens. Elle savait raconter une histoire. Ses livres sont courts et intenses. On veut toujours connaître la suite. Et comme elle l'affirmait, il n'y a rien d'immoral dans mes livres, seulement des meurtres. Ma mère est une légende. Après la Bible et Shakespeare, c'est elle qui vend le plus de livres. L'autobiographie d'Agatha Christie a paru en 1977 chez Collins. Elle a commencé en 1950 et l'a achevée en 1965 à Winterbrook House. Il s'agit de l'œuvre sur laquelle elle a travaillé le plus longtemps. Elle était bien décidée à ce qu'elle ne paraisse qu'après sa mort. Ma mère savait parfaitement ce qu'elle faisait. et ce qu'elle voulait. Elle était secrète et aimait à dire que personne ne savait rien sur elle. C'était « Est-ce que Christie a tué Poirot ?» de Charlotte Escamez, avec Catherine Ferrand, Agatha Christie, Fanny Cottençon, Rosalinde, Georges Kless, Max Mallowan, Nicole Vassel, Lucie, Philippe Laudenbach, Hercule Poirot, Philippe Ivancic, Le Banquier. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles, Renaud Fluzin-Rosic. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Catherine Lemire. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. So won't you please come home, come, come back to me, honey pie. Est-il vraiment nécessaire de parler de tout cela? Oui, je crois qu'il le faut, monsieur Hallyday. Comme vous voudrez. Eh bien, je vous écoute. Mais je ne comprends toujours pas l'importance de cette affaire de journal. Je n'y ai d'abord rien compris moi-même. Je me suis torturé le cerveau. J'ai agité dans tous les sens mes petites cellules grises. Pourquoi est-ce que Florence Carrington était impatiente de se procurer l'édition du soir? Et vous avez trouvé la réponse? La réponse, mais la réponse, mon bon ami, c'est qu'elle ne l'était pas. Et quand cette idée m'est venue à l'esprit, tout est devenu parfaitement clair. J'ai su qu'on avait tué Florence pour lui voler ses bijoux, et j'ai fait le rapprochement avec l'homme qui l'avait tué. Comment cela? Eh bien, l'homme que je cherchais devait être un voleur professionnel. Un être capable de tuer sans pitié une femme innocente pour en arriver à ses fins. En réalité, en arrivant à Weston, une femme descendit sur le quai et mena grand tapage, réclamant à corps et à cri la dernière édition, dans le but de se faire remarquer du crieur de journaux. Mais voyons, Poirot, le médecin a dit qu'elle était morte avant que le train atteigne Weston, peut-être même avant Bristol. Précisément, mon ami. Comment est-ce donc possible? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaire sensible à la fiction, aujourd'hui, est-ce que Christie a tué Poirot? Notre invité, François Rivière, biographe d'Agatha Christie. Bonjour François Rivière. Bonjour. Alors vous êtes romancier, journaliste littéraire, vous êtes l'auteur de scénarios de BD, Le Privé d'Hollywood, Victor Sacqueville, Maître Berger, que je cite, et notamment avec Jean-Claude Flock ou Edgar Jacob, vous êtes aussi à l'origine de récits policiers, de biographies d'Agatha Christie, dont vous êtes, on peut dire, le spécialiste en France, mais aussi de Patricia Highsmith, entre autres. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous l'énigmatique Agatha Christie. Vous dressez le portrait de cette femme secrète, pétrie de morale, mais expert espoison, elle en connaît tous les secrets mortels, dont l'œuvre est lue et relue par les petits et les grands. Il y a un côté universel. Peut-on dire que c'est avec Agatha Christie que le roman policier a pris une place de choix, presque une place d'honneur dans la littérature? À vrai dire, elle n'est pas la première à avoir pratiqué le genre qui avait été inventé par Edgar Poe au XIXe siècle, qui avait été un peu mis en forme par des romancières, notamment aux États-Unis, et puis par Conan Doyle en Angleterre, qui a créé en Sherlock Holmes, a un peu imposé des règles du roman de détection. Mais Agatha Christie a lu elle-même, quand elle était adolescente, des tas de romans qui s'apparentaient à la littérature policière, et notamment la traduction anglaise du Mystère de la Chambre Jaune de Gaston Leroux, qui a été traduit et qui a eu beaucoup de succès outre-Manche. Et c'est sa grande sœur qui avait lu aussi ce livre, qui l'a mise au défi d'écrire un roman d'énigmes. Et c'est comme ça qu'elle a écrit son premier livre, La mystérieuse affaire de Stiles, qui est sorti en 1920. Et qui a été le début d'une belle carrière, même s'il a fallu attendre le cinquième roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, pour qu'elle devienne vraiment célèbre. L'apparition de ce livre est également un fait divers dont elle a été l'héroïne, qui était sa disparition en décembre 1926, qui lui a valu des articles dans toute la presse anglaise et américaine. On peut dire que c'est la figure de proue quand même de ce genre de littérature. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi Patricia Highsmith, mais pas à la même époque. Ouais. Mais est-ce qu'elle est vraiment la figure de proue? Le succès de ses romans, le fait que ses romans, qui sont assez nombreux quand même, qui mettent en scène Hercule Poirot ou Miss Marple, ont eu beaucoup, beaucoup de lecteurs, ça en a fait une figure effectivement prédominante, même si elle n'est pas la seule à avoir œuvré dans le genre. Mais je crois que ce personnage aussi, justement le mystère dont elle s'entourait, a facilité un peu l'engouement, paradoxalement, pour son œuvre. Mais c'est surtout la qualité de ses livres, les intrigues, à la fois très très simples, à la fois totalement mystificatrices, mais en même temps faciles à lire, enfin des romans faciles à lire, ouais. Sur des intrigues, au fond, très très très... qu'elle renouvelait vraiment, des romans dans lesquels elle s'embarrassait pas de descriptions, elle privilégiait les dialogues, d'ailleurs elle a écrit des pièces de théâtre qui ont énormément de succès aussi. En fait, elle a un peu rénové un genre qui n'existait pas depuis longtemps, mais dont elle a fait quelque chose de beaucoup plus moderne. Et c'est ce qui fait que ces romans, ceux qui sont parus dans les années 20, 30, 40, 50, sont lus aujourd'hui de la même manière, enfin sans être démodés du tout. Bien sûr. Même s'ils sont datés, ils ne sont pas démodés. Et du coup, c'est pour ça que finalement, elle arrive à avoir, bien après sa mort, elle a vendu, je crois, près de 2 milliards et demi d'exemplaires, ce qui n'était pratiquement jamais arrivé à une romancière depuis la création du genre. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous plongeant dans sa vie ou pour d'en écrire une biographie? Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a étonné ou qui a peut-être battu en brèche certaines idées que vous pouviez avoir d'elle? J'ai commencé à la lire quand j'avais 9-10 ans. Une amie de ma mère m'avait passé Le meurtre de Roger Ackroyd, qui m'avait beaucoup intrigué. Et puis j'étais tombé aussi sur une édition club d'un des 6 romans qu'elle a écrit sous le pseudonyme de Mary Westmacott, des romans psychologiques. Ouais. Et dans cette édition figurait un certain nombre de photos en noir et blanc de cette femme qui écrivait des romans policiers et qui en plus trouver le moyen d'écrire des romans sous pseudonyme pour pas qu'on sache qu'elle était elle aussi cette auteure. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et en plus, cette femme qu'on voyait photographiée à un âge enfin vers la soixantaine, avec un côté tellement aimable, elle ressemblait à une grand-mère un peu, enfin que ça m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus. Bon, à ce moment-là, bon, j'ai dû attendre en fait pour en savoir vraiment plus, puisqu'elle n'accordait pas d'interview, on savait vraiment pas grand-chose sur elle, à part ses familiers. J'ai dû attendre sa mort et la parution de son autobiographie. En 1977, un an après sa mort, que j'ai lu, dans laquelle je pensais trouver une explication à cette fameuse disparition de 1926 qui a quand même intrigué toute l'Angleterre et qui a alors, fait beaucoup jaser à l'époque. Et j'allais vous en parler. Alors parlons de cet épisode. Et il se trouve que elle n'en parle absolument pas dans son autobiographie. Mmh. Donc tu attends encore un peu plus. Enfin, je ne vais pas vous faire tout l'historique de mes recherches, mais il se trouve que j'ai rencontré beaucoup plus tard, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, la fille de sa meilleure amie qui m'a raconté vraiment ce qui s'était passé, parce qu'il existait une version officielle de cette fameuse disparition, donc qui fait que à la fin du mois de décembre 26, un soir, alors que bon, elle s'entendait mal avec son mari, on savait que ça, il y avait vraiment de la dispute dans le ménage Christie, et que les gens de leur entourage savaient que lui avait une maîtresse et qu'elle prenait ça, que Agatha Christie prenait évidemment ça très mal, qu'il avait demandé le divorce. Donc elle est partie sur un coup de tête, elle a pris sa voiture, elle a disparu dans la nuit. Et le lendemain matin, on a retrouvé la voiture abandonnée avec son manteau de fourrure, ses papiers qui prouvaient donc qui était la disparue. Et pendant 10 jours, on a cherché partout où était Agatha Christie. On s'est demandé vraiment si elle n'était pas morte, noyée, si son mari ne l'avait pas tuée. Et cette fugue, puisque c'est ce qu'on a imaginé quand même au bout d'un certain temps, a pris un tour absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on tout le monde se posait des questions. On demandait à Arthur Conan Doyle de venir avec un médium pour enquêter à l'endroit où elle avait disparu, où elle avait laissé sa voiture. Et finalement, 10 jours après, on l'a retrouvée dans un hôtel, dans une ville de cure du Yorkshire, à Harrogate, inscrite sous un nom qui était curieusement celui de la maîtresse de son mari. Donc ça ressemblait vraiment là à une intrigue policière. Et elle a prétendu avoir été frappée d'amnésie, ce qui n'était pas debout. Or, j'en reviens au récit que m'a fait la fille de sa grande copine. La grande copine en question avait fomenté avec elle cette fugue, justement. Mmh. Elle l'avait accueillie à Londres quand elle avait disparu. En fait, elle avait laissé sa voiture, elle avait pris un train de nuit, elle était arrivée à Londres, et de là, le lendemain matin, elle s'était refait une garde-robe, elle était partie pour Harrogate. Tout ça pour faire une niche, si on peut dire, à son mari, qui a été accusé de meurtre, qui a été vraiment inquiété, et pour se donner, créer une espèce d'existence romanesque, qui lui permettait d'oublier les infidélités de son mari. Ça n'a pas arrangé les choses, puisqu'ils ont divorcé 2 ans après. Mais surtout, sur le moment, enfin, et pendant ces 10 jours, tous les journaux anglais se demandaient où était passé Mrs. Christie. Donc ça lui a fait de la publicité, quand même, pour son dernier roman. On s'est demandé si c'était pas d'ailleurs une manœuvre publicitaire, puisque son éditeur a été vaguement dans la connivence lui aussi. Donc on n'a pas totalement élucidé tout ça, mais on sait, enfin maintenant on sait, parce que ce que chez moi, tout le monde le sait aussi maintenant, il y a eu des livres sur la question, on sait qu'elle avait joué un sale tour à son mari. C'est peut-être d'ailleurs l'un de ses meilleurs romans, Disparition, celui qui s'inscrit dans le réel, dans son réel. Voilà, bon, ça montre en tout cas son inclination naturelle pour monter les histoires, les trouver, des histoires à suspense. Oui. Absolument, mais non, elle avait beaucoup d'imagination et son imagination lui a peut-être joué un tour, c'est-à-dire qu'elle a voulu imaginer dans la réalité une fiction. François Rivière, on se retrouve dans 3 minutes après une pause musicale pour continuer à parler de ce personnage fascinant qu'est Agatha Christie. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. Future brings as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. François Rivière, on se retrouve. Je rappelle que vous êtes un biographe de Agatha Christie, dont vous connaissez son œuvre, vous connaissez sa vie, bien sûr. Comment a-t-elle eu l'idée d'inventer le fameux Hercule Poirot, ancien policier belge? C'est quoi, c'est une caricature des hommes? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi l'inspiration d'Hercule Poirot, qui est connu, alors lui, qui est universel? Tout le monde connaît Hercule Poirot. Oui, tout le monde maintenant connaît Hercule Poirot, ce petit personnage à la tête en forme d'œuf, avec sa grosse moustache, ses tics, ses manies, sa détestation d'Angleterre, ce qui est assez amusant parce que elle lui fait dire que le thé anglais du poison, qu'il ne comprend pas pourquoi ces Anglais sont toujours dehors par tous les temps. Enfin bref, un personnage assez caricatural, mais elle n'a pas imaginé complètement. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle avait 15 ans, pendant la Grande Guerre, l'Angleterre a accueilli des réfugiés belges dans la ville natale d'Agatha Christie, Torquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et elle voyait déambuler dans les rues de la ville c'est des personnages assez pompeux, comme ça, avec des chapeaux melons, des moustaches, etc., qui étaient ces fameux réfugiés belges que l'Angleterre avait accueillis. Et quand elle a cherché à créer un personnage de fiction policière, elle s'est dit qu'il fallait surtout pas qu'elle mette en scène un héros qui ressemblerait trop à Sherlock Holmes, enfin, ou à d'autres détectives déjà un peu connus. Elle en a fait ce personnage qui ressemble à personne d'autre. Enfin, c'est une espèce de contre-programmation, quoi, par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est ça, qui est plein de manie, qui est pas anglais, justement, et ça, c'est une idée assez amusante. Elle-même était quand même, avait un père américain, elle avait un regard un petit peu, quand même, un peu biaisé sur l'Angleterre. Elle avait de l'humour, bien sûr, mais, et elle en fait ce personnage, excentrique, assez désagréable, arrogant, qui résout les énigmes. Mais qui est efficace. Manière, et très très efficace, qui, bien sûr, défie la police officielle en permanence, qui est flanqué d'un, un peu comme Sherlock Holmes était flanqué de Watson, qui est flanqué d'un ami Hastings, qui est un homme à femme un peu bébête, quoi, qui comprend jamais. Enfin, il faut toujours que Poirot lui dise, mais attendez, mon pauvre ami, l'évidence est sous vos yeux, vous la voyez pas. Bon, c'est le faire valoir, comme on dit, du détective. Ce sont aussi des personnages de BD. Oui, c'est les personnages. D'ailleurs, ils sont devenus au fil du temps des personnages de bande dessinée. Mais c'est vrai. Je veux dire par là qu'ils étaient déjà dessinés, si je puis dire, en tout cas à travers l'écriture, comme des personnages pouvant être des personnages de BD. C'est clair. C'est assez simple. Ils sont un peu caricaturaux. On les visualise très bien, justement, et ils jouent un rôle dans l'action qui est pas trop sérieuse. Enfin, Poirot lui-même étant quand même un personnage assez comique. Est-ce qu'elle s'en prend à la société anglaise avec tous ces verrous, enfin cette bourgeoisie anglaise de cette époque-là? Est-ce que c'est une cible pour elle? Je crois que Agatha Christie, ça n'est qu'un cadre, qui était conservatrice, s'est servie d'Angleterre qu'elle a connue, c'est-à-dire la province anglaise où elle est née, où elle a grandi, Londres aussi, bien sûr, qui est une ville où elle a vécu pas mal, et puis aussi des pays comme celui où son second mari faisait des fouilles archéologiques. Elle a utilisé magnifiquement dans un roman qui s'intitule Meurtre en Mésopotamie, justement un chantier de fouilles qui devient un lieu clos, la parfaite chambre close pour un crime, pour une énigme criminelle. Son regard n'était pas très engagé, il faut le dire, sinon par moments pour quelque chose qui était un peu à rebours de ce qu'on aime aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle vilipendait un peu la transformation du paysage anglais par la construction d'immeubles modernes, enfin de lotissements. Enfin, elle était conservatrice, un peu réactionnaire quand même, assez fidèle. C'est ce que j'appelle une snob, dans le sens où elle-même était de naissance tout à fait bourgeoise classique, mais elle s'est liée d'amitié avec des gens de la bonne société, de la gentry, qui étaient ses lecteurs, il faut dire aussi. Même la reine Elisabeth était une grande lectrice, les deux, enfin la mère et la fille, étaient des grandes lectrices d'Agatha Christie. Elle a toujours vécu dans un espèce de royaume à elle, au fond, sans se soucier tellement de l'avancement des choses, enfin sur le plan social, dans les années 60, parce qu'elle a vécu jusqu'en 76. Elle s'est sortie reine du polar, reine de ce royaume était le polar, dont elle était une reine. Elle n'en jouait pas tellement de ça, parce que finalement elle était tellement discrète, elle participait tellement peu la vie du grand policier, qu'au fond, oui, elle était la reine, elle était au-dessus, elle était dans un nuage, posée sur un nuage au-dessus de ce petit monde de la littérature policière. Et qu'est-ce qu'on peut dire de sa personnalité? On dit femme indomptable, mais au cœur de midinette, je viens de vivre le plus beau jour de ma vie, a-t-elle déclaré, après avoir reçu le titre de Lady par la reine. C'était quoi sa personnalité? Ce qu'il faut dire, sans savoir exactement ce qu'elle avait dans la tête, parce qu'elle s'est jamais vraiment épanchée, même dans son autobiographie, qui est un assez gros livre, où elle parle de ses voyages, etc., beaucoup de son enfance, parce que son enfance, elle l'a conservée vraiment, elle a fait quelque chose que peu de gens font et qui peuvent expliquer, une chose qui peut expliquer même son immense succès auprès de tous les publics et tous les âges. Elle a grandi avec son enfance, si on peut dire. Elle l'a emmenée avec elle jusqu'au bout. Ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a été très malheureuse, parce qu'elle a épousé un jeune pilote de ce qui n'était pas encore la RAF, hein, ça s'appelait le Royal Flying Corps pendant la guerre de 14, qui est rentré comme pas mal de soldats anglais un peu esquintés psychologiquement, et puis leur ménage a battu de l'aile assez vite, parce qu'elle, lui, travaillait dans la City, et elle écrivait ses livres, elle écrivait sans arrêt, c'était au fond une marginale, hein, c'était une fausse bourgeoise, et donc ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, et elle a épousé plus tard un garçon beaucoup plus jeune qu'elle, de 15 ans de moins, Max Mallowan, qui était archéologue, et elle a aussi encore été malheureuse, parce que Max était plus jeune, et puis il s'est trouvé que finalement elle était peut-être incompatible avec un mari au sens traditionnel. C'est une femme assez libre, très personnelle, qui vit dans son monde, et justement c'est ce qui la rend assez attachante. Justement, au fond, elle a pas été, sur le plan professionnel, elle a accompli quelque chose d'absolument fabuleux, quoi, devenant peut-être l'autre au monde qui a vendu plus de livres. Ouais. Mais dans sa vie privée, qui était très privée, on se rend compte qu'au fond elle a pas été extrêmement heureuse. Dernière chose, s'il fallait une porte d'entrée, alors y compris pour les plus jeunes, parce qu'on lit Agatha Christie dès son jeune âge, hein, mais vous le disiez vous-même, c'est une lecture facile. Ce serait quoi la porte d'entrée, le roman qui pour vous est le plus Agatha Christinien de tous les Agatha Christie, un peu l'étendard, quoi. Ils le sont tous, plus ou moins, mais c'est vrai que si, pour un lecteur, justement un lecteur jeune qui commence, il y a ce livre dont je parlais, Le Meurtre en Mésopotamie, qui est très dépaysant, qui est assez amusant, en fait, même s'il y a un meurtre. Je crois que le crime de l'Orient Express aussi est quand même quelque chose d'assez étonnant. Mort sur le Nil. Enfin, effectivement, ces romans qui sont les plus connus, Édipe Tinègre, qui est un tour de force, qui est aussi, je pense, pour un lecteur, un débutant, une chose vraiment merveilleuse. Ah bah c'est clair, voilà, pour commencer avec Agatha Christie, commencer avec ses tubes, c'est plus connu. Merci infiniment, François Rivière, pour tous vos éclairages. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, est-ce que Christie a tué Poirot? Une fiction écrite par Charlotte Escamez, réalisée par Catherine Lemire et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, David Federman.